Chapitre 33. L'entre-deux. Si Ophélie n'avait jamais vu l'isoloir, elle le connaissait de réputation. C'était la pièce la plus redoutée du conservatoire, celle qui était destinée aux fortes têtes. Il se racontait qu'une seule heure dedans semblait durer une journée entière et qui demeurait trop longtemps rendait fou. Ophélie avait douté de son existence, mais elle ne pouvait plus la nier tandis qu'Élisabeth la conduisait au fin fond des jardins, là où la jungle n'était qu'une toile inextricable de lianes. Elles arrivèrent face à une statue assise en tailleur qui représentait une femme à tête d'éléphante. Elle était si monumentale que des arbres s'étaient nichés jusque dans ses anfractuosités, déversant sur la pierre une dégoulinade tortueuse de racines. Élisabeth gravit l'escalier du piédestal, puis elle débroussailla les ronces du bout de ses bottes. Elle mit ainsi au jour une trappe ronde dans le sol. « Ouvre, apprentie Eulalie, c'est la tradition. » Ophélie donna plusieurs tours à la poignée. Elle devait être forgée dans un alliage alchimiste inoxydable car, malgré son apparente ancienneté, elle ne lui opposa aucune résistance. Il lui fut cependant plus difficile de soulever la trappe. Elle était aussi épaisse que son corps. Ses lunettes blêmirent quand elle découvrit un puits obscur s'enfoncer de plusieurs mètres dans la pierre du piédestal. « Je dois vraiment descendre. » C'était un constat plus qu'une question. Ophélie savait qu'elle n'avait pas le choix. Contester la sentence d'un esprit de famille reviendrait à se mettre hors la loi. D'un geste nonchalant, Élisabeth lâcha le panier de fruits secs qu'elle avait apporté. Le bruit de l'osier résonna étrangement au fond du puits. « Tu trouveras de l'eau et de la lumière en suffisance en bas. C'est ce qu'on m'a dit, du moins. Je n'ai jamais été dans l'isoloir. Je viendrai te chercher à la fin de la semaine pour te conduire à la cérémonie. Fais attention à bien rationner la nourriture. Personne ne t'en apportera. » Ophélie pensait qu'Élisabeth allait ajouter son invariable « je plaisante ». Mais il s'avéra que pour une fois ce n'était pas un trait d'humour. L'idée de se retrouver seule au fond de ce puits pendant plusieurs jours et plusieurs nuits lui inspira une montée brutale de claustrophobie. « Pourrez-vous expliquer la situation à Sir Henry ?»« Ne t'inquiète pas pour lui, apprenti. Il te remplacera comme il a remplacé Médiana avant toi. » Ophélie s'efforça de ne pas montrer à quel point ces mots-là étaient pénibles à entendre. « Croyez-vous que j'ai encore une chance de devenir une aspirante avant-coureuse comme vous ?»« Je ne le crois pas, non. » Ophélie avait beau être habituée à son implacable neutralité, elle aurait aimé la voir y renoncer aujourd'hui. Quand elle descendit les échelons du puits, Élisabeth se pencha vers elle, repoussant derrière ses oreilles les cheveux qui se collaient à ses joues. « Mais je crois en Lady Hélène. Tu devrais en faire autant. » Sur cette recommandation, Élisabeth referma la trappe du puits. Ses taches de rousseur furent la dernière vision qu'Ophélie eut du monde extérieur. Comme sa voix en avait été le dernier son, les cris des oiseaux, des singes et des insectes cédèrent la place à un silence dur. Ophélie sentit sa gorge battre, tandis que l'angoisse reprenait violemment le dessus. Elle ne voulait pas rester seule ici. Elle lutta contre la pulsion de frapper la trappe en suppliant Élisabeth de lui rouvrir. Elle prit une lente, une profonde inspiration. L'air n'était pas très odorant, mais respirable. Elle décrispa ses doigts autour des échelons et, un pied après l'autre, elle acheva sa descente. Quelques ampoules d'héliopolis éclairaient froidement le fond du puits. L'isoloir était une pièce dotée des commodités élémentaires, une cuvette de toilette, une douche sans cloison, un lavabo, une pharmacie, un matelas et des miroirs. Beaucoup de miroirs. Chaque mur était un miroir. Le plafond était un miroir. Même le sol était un miroir. Lorsqu'Ophélie ramassa le panier de fruits secs qu'Élisabeth avait laissé tomber à l'intérieur du puits, son mouvement se démultiplia à l'infini. Elle se voyait de face et de dos à la fois, ses reflets rétrécissant dans une répétition en boucle. Elle avait l'impression de se trouver, non pas dans un espace limité, mais au milieu d'un tunnel multidirectionnel peuplé par des milliers d'autres Ophélie, et elle ne pouvait échapper à aucune. Il n'y avait ni téléphone ni périscope, rien non plus pour s'occuper l'esprit. Pas de quoi lire, pas de quoi écrire, pas de quoi combler le vide et le silence. Il n'y avait qu'elle, une infinité d'elle. Un lieu idéal pour réfléchir. Ophélie s'assit dans un coin de l'isoloir, ramena ses jambes contre elle et engloutit son visage entre ses bras. Le temps coula sur elle comme de la colle. Elle ne possédait aucune notion de l'heure. Il n'y avait pas d'horloge non plus dans l'isoloir. Mais plus elle restait prostrée, plus elle s'engourdissait. Après deux nuits blanches d'affilée, elle aurait eu besoin de dormir. Elle n'y arrivait pas. Chaque fois qu'elle était sur le point de s'assoupir, son corps lui envoyait une décharge électrique qui la faisait sursauter. Elle n'osait pas quitter son coin de pièce, harcelée par le regard de ses innombrables reflets. Ce n'était pas confortable, mais le matelas était d'une puanteur dissuasive. Quand Élisabeth avait-elle refermé la trappe? Aujourd'hui? Hier? Était-ce la nuit, là-haut? Si au moins Ophélie avait pu entendre le son du gong, les seuls bruits ici étaient ceux organiques, qui émanaient de la plomberie et de son ventre. Grignotant une par une les coutures de ses gants, elle se mit à réfléchir dans tous les sens, à Dieu, à l'autre, à Idi, à Lux, à la déchirure, à ce mystérieux inconnu qui répandait la terreur sur son passage. Ophélie avait beau essayer d'ordonner ses pensées, les glaces de l'isoloir la déconcentraient. Elle était une passe-miroir. Elle aurait dû se sentir dans son élément ici, mais l'angoisse la nouait. La dernière fois qu'elle avait essayé d'utiliser son pouvoir, ça avait été navrant. Elle avait peur de se reconfronter à son reflet, et elle savait que le simple fait d'en avoir peur rendrait tout passage impossible. Parce que Octavio avait raison. Parce qu'elle était devenue une personne trop trouble. Où serait-elle allée de toute façon? Il n'y avait à sa connaissance aucun autre miroir sur l'arche de la bonne famille. Le plus proche où elle s'était reflétée se situait dans les toilettes du mémorial et elle était incapable de franchir une telle distance. Ophélie se recroquevilla davantage sur elle-même. La vraie question n'était pas où aller, mais pourquoi y aller? Thorn ne l'attendait plus. Il avait mis un terme à leur collaboration. Elle avait eu la prétention de lui servir sur un plateau le livre qu'il cherchait, mais malgré tout ce qui s'était produit, malgré tout ce qu'elle avait appris, elle n'était pas plus avancée. Au contraire, elle avait compromis ses chances de devenir aspirante. Elle avait échoué à aider Thorn. Encore. Épuisée, Ophélie se laissa glisser au sol. Allongée sur ce grand miroir glacé, elle vit sa multitude de reflets au plafond comme d'étranges corps célestes. Puis elle ne vit plus rien. Ses pensées se diluèrent, le sommeil l'absorba et elle se sentit couler. Quand Ophélie se réveilla, elle flottait dans une brume où elle percevait des images éclatées, des couleurs fluctuantes, des sons difformes, comme si elle dérivait sous la surface d'un lac. Elle ne ressentait ni crainte ni étonnement. En fait, elle s'était rarement sentie aussi calme. Elle avait l'impression de glisser sur la trame élastique de l'espace et du temps. Elle connaissait cet endroit, infime et infini, pour l'avoir traversé des centaines de fois sans jamais s'y être arrêtée. Le sol de l'isoloir l'avait engloutie pendant son sommeil, et elle n'en était pas ressortie. Elle n'était nulle part. Elle était partout. Elle se trouvait dans l'interstice, entre les miroirs. Pourquoi êtes-vous à Babel? La voix de Thorn vibra sur Ophélie comme sur un diapason. Il n'était pas matériellement ici avec elle dans l'entre-deux, mais sa question avait une existence bien réelle. C'était la première phrase qu'il lui avait adressée le soir de leur retrouvaille. Cet écho du passé revenait maintenant vers elle avec l'implacabilité d'un retour de balancier. Pourquoi Thorn lui avait-il demandé pourquoi? N'était-il pas évident qu'il était la seule réponse à sa question? À peine cette pensée s'était-elle formée en elle qu'Ophélie comprit la raison de son passage dans l'entre-deux. Cet espace était le reflet même de son état intérieur. Ni enfant ni adulte, ni fille ni femme, elle était restée coincée à la charnière de sa vie. Elle avait attendu de Thorn des mots et des gestes qu'elle n'avait jamais eus pour lui. À aucun moment elle n'avait dit « nous ». À aucun moment elle n'avait fait un pas vers lui. À aucun moment elle ne s'était mise à nu. La vérité, la seule vérité, c'est qu'elle avait été lâche. Cette prise de conscience la traversa comme une brèche. Il lui sembla que c'était la surface entière de son être qui se craquelait de toutes parts, telle une coquille d'œuf. Cela lui fit mal, mais Ophélie savait que c'était une douleur nécessaire. La souffrance explosa quand son ancienne identité vola en éclats. Elle se sentit mourir. Elle allait enfin pouvoir vivre. Quand elle était petite, Ophélie s'était une fois amusée à courir à reculons dans le jardin pour voir le monde défiler à contresens. Son pied avait roulé sur une balle et elle s'était sentie basculer en arrière sans plus distinguer le haut du bas. Ce fut exactement ce qu'elle éprouva en quittant l'entre-deux. Elle tomba à la renverse avec un sentiment d'irréalité. Son dos rencontra brutalement le sol, ses poumons se vidèrent sous le choc. Pendant de longues secondes, elle ne respira plus. Hébétée, elle fixa à travers ses lunettes les méandres de toile d'araignée qui scintillaient au-dessus d'elle. Une lueur aussi pâle qu'un rayon de lune émanait d'un orifice au milieu d'un plafond voûté. Ophélie était peut-être sortie de l'entre-deux, mais elle n'était pas retournée dans l'isoloir. Elle s'englua dans les toiles d'araignée en se mettant debout. Le lieu où elle se trouvait baignait dans un nébuleux clair-obscur. Hormis le petit orifice du plafond, il n'y avait ni porte ni fenêtre apparente. En revanche, un vieux miroir au sein de la pièce lui renvoyait un reflet approximatif. Sa surface était couverte d'une épaisse couche de poussière, sauf à l'endroit que le corps d'Ophélie avait traversé. Cette poudre-là voletait encore en l'air, dans le sillage de sa chute. Où était-elle? Comment avait-elle pu franchir un miroir où elle ne s'était jamais reflétée? Ça enfreignait toutes les lois de la physique animiste. Ophélie s'aperçut vite que ce n'était pas la seule singularité de ce miroir. Il était suspendu dans les airs. Il ne s'agissait pas d'un état de lévitation tel qu'il s'en observait partout à Babel. En s'approchant, on pouvait deviner qu'il était entouré d'une paroi transparente et, à en juger par la façon dont Ophélie pouvait passer sa main au travers, immatériel. Du mur où il avait été fixé, il ne restait plus qu'un fantôme. Ophélie fit glisser un regard circulaire sur la pièce, puis sur le plafond, d'où s'échappait un rayon de lumière. Et tout d'un coup, elle sut où elle était. Au cœur du mémorial, dans le secrétarium, à l'intérieur du deuxième globe qui flottait en apesanteur. Ce miroir devant elle appartenait à l'un des derniers étages du bâtiment d'origine. Il se tenait à l'endroit précis où l'autre moitié de l'édifice s'était effondrée au moment de la déchirure. Pour une raison ou une autre, il n'était pas tombé dans le vide avec le reste. Il était resté ancré en l'air, absurdement. Quelqu'un avait fait construire le globe autour de cette aberration pour la cacher. Était-ce là l'œuvre de Dieu? Combien de personnes connaissaient aujourd'hui l'existence de ce miroir suspendu? La chambre forte, réalisa-t-elle alors. L'ultime vérité. Du gant, Ophélie frotta doucement la poussière qui s'était déposée sur la glace. Si elle avait raison, cet objet était vieux de plusieurs siècles. Aucun miroir ne pouvait vivre aussi longtemps sans perdre son étamage. Elle n'aurait normalement pas dû y voir son reflet. Et ce n'était effectivement pas son visage qui se reflétait. La femme qui lui faisait face avait la même petite taille, les mêmes cheveux bruns, les mêmes lunettes, mais ce n'était pas elle. Leurs lèvres remuèrent en même temps. « Je suis Ophélie, » dit Ophélie. « Je suis Eulalie, » dit le reflet. Ophélie ferma les paupières puis les rouvrit. Son image était redevenue la sienne. Elle déboutonna ses gants, les rangea dans ses poches et frotta ses paumes moites l'une contre l'autre. Elle ne comprenait rien à ce qui lui arrivait, mais elle était certaine d'une chose. Elle devait lire ce miroir. Elle fit taire ses pensées l'une après l'autre, soufflant dessus comme sur d'innombrables flammes de bougies. Quand elle se sentit prête, elle appuya ses mains nues contre celles de son reflet. La première vision qui la traversa fut celle de sa propre chute hors du miroir, ce qui était parfaitement logique. Ensuite, rien ne se passa plus comme prévu. Ophélie eut l'impression de se faire aspirer par son propre reflet. Sa mémoire se retourna sur elle-même comme un gant. Des souvenirs extrêmement anciens venus d'un autre âge fulminèrent au fond de sa conscience. La réminiscence fut d'une telle force qu'Ophélie se déchira en deux, comme le bâtiment l'avait fait autrefois. Une moitié d'elle lui était soudainement devenue étrangère. Cette moitié ressemblait trait pour trait à la petite femme qu'elle avait aperçue à la place de son reflet. Celle-ci était en train de taper à la machine à écrire, face au grand miroir, à l'époque où il y avait encore un mur pour l'accueillir. Ophélie regardait à travers elle comme une spectatrice de théâtre. Ses cheveux sombres et indociles n'avaient pas été lavés depuis si longtemps qu'ils se collaient à son front. Son nez ne cessait de couler, ce qui l'obligeait à se moucher d'une main tout en tapant de l'autre. « Bientôt, » marmonna-t-elle au miroir. « Bientôt, mais pas aujourd'hui. » Ophélie observa les lieux à travers les yeux de la femme par glace interposée. Elle essaya du moins. Celle-ci semblait avoir une vue aussi mauvaise que la sienne et elle n'avait pas mis ses lunettes. Personne d'autre ne se trouvait dans la pièce. En revanche, il y avait des feuilles chiffonnées sur tout le parquet. Quelques coups furent frappés à la porte. Ophélie cessa aussitôt de taper à sa machine pour tirer un épais rideau de façon à recouvrir entièrement le miroir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. La porte de la chambre s'ouvrit et elle laissa entrevoir une silhouette floue qu'Ophélie reconnut quand elle s'approcha. C'était le concierge dont elle avait expertisé le registre. Comme dans son rêve, il portait de petites besicles de fer et un turban dont le foulard essayait de cacher sa mâchoire, mutilée par la guerre. Il ne put retenir un froncement de sourcils en découvrant les feuilles et les mouchoirs qui jonchaient le sol. Il y avait dans sa raideur une trace résiduelle du militaire qu'il avait été autrefois. « Pas de matière réfléchissante, » lui dit Ophélie après s'être consciencieusement mouchée. Le concierge retira ses besicles d'un geste discipliné. Cela n'empêcha pas ses vieilles mains de trembler. « Nous avons un foutu problème. » Le dialecte qu'il baragouinait était étranger à Ophélie. Elle le comprit toutefois sans la moindre difficulté. Elle lui fit même la politesse de lui répondre dans sa langue. « Allons bon, qu'est-ce qu'il a encore fait ?»« Il a tué tous nos foutus piafs. Voilà ce qu'il a fait. » Je voulais pas qu'il entre dans la volière, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Un jour, je jure que ce sera moi qui le tuera. » Le concierge jeta un coup d'œil nerveux derrière lui en direction de la porte, comme s'il redoutait une présence de l'autre côté. « Sois patient, » soupira Ophélie. « Il apprendra à se contrôler comme les autres. »« L'est pas comme ces foutus gosses, celui-là. » Le concierge disparut de son champ de vision. Elle frottait ses paupières d'un geste fatigué. À force de taper à la machine sans lunettes, elle avait les yeux en feu. Les sinusites chroniques n'arrangeaient rien. « Son rôle à lui est différent, » dit-elle. « Il protège l'école. »« Moi aussi, je protège cette foutue école, » grommela le concierge entre ses lèvres déformées. « Si ces foutus soldats arrivent jusqu'à notre foutue île, je les rejetterai à la foutue flotte. » Ophélie roula son mouchoir en boule et l'envoya rejoindre les autres sur le sol, arrachant un grognement exaspéré au concierge. « Tu n'es qu'un homme, » lui dit-elle doucement, « et je ne suis qu'une femme. Nous sommes limités, toi et moi, pas lui. » D'ici à l'avènement de la nouvelle humanité, il nous protégera tous. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Ces quatre mots retentirent à travers Ophélie, tandis que le vieux concierge, les feuilles, les mouchoirs, la machine à écrire et la pièce entière se déformaient comme des ronds dans l'eau. Quand elle reprit pied avec le présent, elle était étendue au milieu de l'isoloir, glacée et brûlante à la fois, pareille à une naufragée rejetée par la mer. Elle avait quitté le deuxième globe du mémorial et franchi l'entre-deux en sens inverse, sans même s'en rendre compte. Elle fixa longuement son reflet sur le sol, brouillé par les gouttes de sueur qui s'écoulaient de son visage. Son pouvoir familial frissonnait encore sur toute sa peau. Elle ne s'était jamais sentie aussi différente. Elle ne s'était jamais sentie aussi elle-même. Elle savait tout. Elle savait où était le livre qui permettait de devenir l'égale de Dieu. Elle savait qui le protégeait et pourquoi. Ou plutôt, elle savait qu'elle savait. Elle pouvait percevoir toutes les réponses qui pulsaient à travers ses veines, mais elle n'y avait pas encore accès. Ophélie se déshabilla, prit une douche, puis mangea quelques fruits. Elle éprouva chaque sensation avec une acuité nouvelle. Elle ne remit pas ses gants. Pour une fois, elle avait envie de toucher le monde sans se mettre de barrière. L'omniprésence de ses reflets autour d'elle ne la dérangeait plus. Lorsqu'elle se sentit assez reposée, Ophélie s'assit au milieu des miroirs et croisa étroitement les mains. Cette fois, c'était son propre corps qu'elle devait apprendre à lire. Elle écouta attentivement le flux et le reflux de sa respiration. Elle écouta attentivement toutes ses pensées, même les plus anodines. Elle écouta attentivement le silence de l'isoloir qui, peu à peu, devenait le sien. Le temps s'estompa. Elle s'oublia pour mieux se souvenir. Une avalanche de lumière se déversa dans l'isoloir, rebondissant sur ses glaces avec la puissance d'une rivière. Elle charria dans ses flots les bruits et les odeurs de la jungle. La porte s'était rouverte là-haut. « Toujours vivante ?» appela la voix flegmatique d'Elisabeth. Ophélie se releva lentement, aveuglée par l'éclat du jour. Un paquet lui tomba aussitôt entre les bras. C'était un uniforme propre. « Prépare-toi, apprenti. La cérémonie nous attend. » Cette dernière acquiesça. Elle savait exactement ce qu'il lui restait à faire.